émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial La Crime. Première semaine et passez une bonne soirée. C'est reparti pour La Crime avec nous. On est à 4 jours maintenant de la sortie de l'album. Ouais. Lundi 1er septembre, sortie de Corleone. Ça arrive, ça approche. Ça y est, t'es prêt quoi. Maintenant, tu peux plus rien faire de toute façon. Exactement. Maintenant, c'est vraiment, tu sais, l'envie que le public découvre. Ça y est, c'est lâché. Voilà. Bon, en même temps, les retours que t'as pour l'instant sont plutôt. C'est positif. Ouais. Positif. Ouais, Moi, je vois les messages depuis le début de semaine. C'est un nombre de messages incroyable. Ouais. Régulièrement entêté. Continue à balancer d'ailleurs le hashtag Lacrime sur Skyrock. Ouais, n'hésitez pas. Ce soir, dans l'émission, tu nous feras du live. Ouais. À pas louper. Ouais, on va vous faire de live. On reviendra peut-être aussi sur ta carrière avec un morceau. Ouais. Extrait des précédents projets. Ouais. Pourquoi pas. On va débuter aussi dans quelques minutes avec un titre qu'on a pu découvrir lundi en exclu. Le morceau s'appelle Bracelet. Il figurera sur l'album Corleone. Ouais. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est le replay. Planète Rap. Le replay. Ok, la crime cette semaine sur Skyrock. Dans Planète Rap. Skyrock. Planète Rap. Deux semaines avec la crime entre 20 et 21. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Ça va Fred, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. Bien en train de s'installer. Ouais. Et ce soir un invité aussi, je vois à tes côtés. Ouais, un invité. Quelqu'un que tu aimes bien, a priori s'il est là. Ouais, c'est une relation, ça fait longtemps qu'on se connaît en fait. Donc ce garçon s'appelle Sofiane. Sofiane. Fian Soman. Bang bang. Ça va? Comment tu vas? Eh ben écoute, en pleine forme. C'est la forme. Bah bienvenue. Bon alors si tu devais justement expliquer aux gens qui découvrent la crime et qui doivent se procurer cet album, qu'est-ce que tu dirais alors autour de Corleone? Bah je leur dirais que je pense qu'ils vont déjà ils vont pas être déçus et de toute manière ceux qui aiment la crime vont kiffer et ceux qui aiment pas la crime devraient se préparer parce que je pense qu'ils vont tomber leur cam à dessus. Donc voilà, je pense qu'il y en a pour tout le monde et je pense que ça va toucher tout le monde. Voilà. Besoin de tuer ma rage, va bon massage, je barre de la plage. Ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est V12, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma piscine. J'ai pas de chef, j'ai pas merci. Je viens du 9-4, je me suis fait tout seul. Donc je prends tout, je dis pas merci. Un petit mot aussi sur ta rencontre avec Mister You, donc ça fait bien longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. C'est même hors musique d'ailleurs. Ouais, exactement. Toute première rencontre. Exactement, c'est rencontré en prison il y a 10 ans, 11 ans maintenant. Mmh. Et voilà, je suis sur ce projet. C'est lui qui t'a dit vas-y fonce quand même. Ouais, c'est lui qui m'a motivé en fait en tout point, tu vois. Ça veut dire quand je fais un morceau et que les gens sont bien accueillis, déjà ce morceau lui il le prend, il le met sur son projet, tu vois. Il y a un engouement, ouais, il me motive. Et puis lui, il était déjà sur cette trajectoire. Tu sais, c'est un rapport vraiment d'amitié fraternelle, tu vois. C'est-à-dire, c'est des vrais conseils. Et si tu es prêt maintenant. Vas-y. Live. Allez, c'est parti. On fait mon Glock. Allez. Allez, c'est parti. Le replay. Après des bêtes, tu veux me faire la guerre. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Bastos dans leur mer, ouais, d'un frappe. Bastos dans leur mer, ouais, d'un frappe. Bastos dans leur mer, ouais, d'un frappe. Corleone, ma gueule. Le replay hier soir dans l'émission, vous avez loupé ça. On va concentrer un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Ce soir, ne loupez pas jusqu'à 21h La Crime avec Corleone à découvrir. On rappelle aussi que pour tous les gens qui iront à la Fnac, mais il va falloir se l'arracher vite, il y a un coffret collector. La box, La Crime. Exactement. Avec box, tout bien. CD, t-shirts. Et des belles photos à l'intérieur. Ouais. Tu vas à la Fnac, tu repars avec la box. Et surtout du son aussi avec 15 titres pour l'album de La Crime qu'on découvre pendant 15 jours. Il sera là aussi la semaine prochaine, La Crime avec nous. Ouais. On débute avec le morceau Bracelet, c'est parti? Allez, coup d'envoi du Planète Rap Bracelet maintenant. Bombe atomique, un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard 69-890, bâtiment B posé dans le canne. Le matin, je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi avec Félix et Sau faire sauter le bus. Dehors, ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami sur un jet ski sans départeur. Je t'aime, c'est si t'aimes, je vais te faire. La commis parfait pour décevoir ses frères. Je me donne un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue. Dans toute ma vie, mon automatique va les faire changer. les barrages. Ton pote le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, va un bon massage à bord de la plage. Ouais ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Il s'est fait 12, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma piscine. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Quand t'as des vrais tueurs, quand même tu sais. Ne modère quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Poto à 23h, j'bois du champagne. Froid gras, pas de Stringles. T'inquiète mon frère, j'suis toujours le même. Calibré comme un Finkel. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécan, poto, vamos. J'te laisse sortir devant chez toi. T'es mort dans la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais billet gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cet talon, j'vais la démonter. J'suis parti pour tout baiser. Les chartes, les chiffres jusqu'à tes WC. Dans la rue sont mes couilles que j'ai tout misé. Comme Kala, pas besoin de savoir viser. Tout le temps j'suis steppy. De toutes tes couleurs sont mes yebis. De toutes tes couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi, nique ta mère. Je représente les vrais frères. J'suis déter, y'a mon album qui va sortir. Madame est con, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, j'fume un joint d'herbe. J'me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on le plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, promets septembre. Gros titre, bracelet Corleone dans les bacs. Le morceau s'appelle Bracelet, on l'a découvert en exclu lundi dans l'émission entre 20 et 21, il figure sur l'album Corleone. C'est quoi l'histoire de ce morceau Lacrim? Bracelet un peu, c'est voilà, hein, comme ça. Bon, je l'appelais Bracelet parce que c'était un peu l'ambiance du truc. Ouais, c'est pareil, un peu en studio, on écoute une prod, voilà, je me dis que ce serait bien qu'il y ait un morceau ou deux sans refrain, tu vois. Voilà, on part sur donc ça. Challenge rap. Exactement. Et un peu rétrospective de la prison, tu vois, là, un peu. Franchement, voilà, un peu de chant, un peu de truc. Le petit clin d'œil voilà. Bracelet, mais c'est pas non plus. D'ailleurs, quand on écoute bien tes textes, c'est pas quelque chose que tu glorifies, la prison. Non, pas du c'est tout. Pas, c'est du tout. C'est pas. Non, voilà. Moi, j'en parle, c'est un état de fait. Voilà, ça fait partie de ta vie. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Et il y a rien de. Tu vois, tous les potos qui sont en prison, je vous embrasse, les gars. Tous les potos qui sont en prison, ils ont envie de sortir. Mmh. On a envie de sortir, on n'est pas fiers de ça, tu vois ce que je veux dire. Il y en a marre, tu vois. Mais après, tu fais des conneries, t'assumes. C'est voilà. Tu vois, c'est un fait. Mais voilà, des fois tu passes par des tu sais, t'as des expériences dans la vie qui font que, tu sais, tu peux pas dire bon, je regrette d'avoir fait ça parce que, ou tu vois, je suis quelqu'un de bien dans la société, je devrais avoir des principes par rapport à ça, tu sais, des fois il y a des expériences de vie qui font que, tu sais, t'es pas à même de voir la réalité des choses. Mmh. Tu comprends? Voilà, t'es dans un cursus, tu sais, voler, truc, dealer, tu vois. Bah, c'est peut-être voilà. Des questions aussi qu'on peut se poser, mais je dirais plus globales sur la société, parce que c'est vrai que toi, quand à l'origine t'habites dans le 9-4, très tôt tu vas être au contact de ce qu'on appelle la jeune délinquance. Ouais, très bien vite, sûr. Voilà, mais comme ça va commencer très tôt pour toi. Je le répète, t'as vu, comme vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Je suis pas le seul, tu sais, je suis pas une exception. On va dire, on est dans la musique, là, dans un créneau, ok, d'accord. Mais sinon, il y en a, ils sont pires que moi, tu vois. Mais ça, il y en a, ils souffrent, ils ont une vie vraiment très difficile. Toi, t'avais. Donc, c'est bien, après, c'est un peu de la politique, tout ça. Mais c'est bien de blâmer, de dire, voilà, et tout. Mais faut vraiment, vraiment vivre là où on est pour, ouais, pour comprendre, tu vois. Toi, justement, t'avais quelle ambition quand t'étais dans le quartier plus jeune? Franchement, tu sais quoi, quand t'as même 17, 20 ans, c'est bien, tu sais, t'as des gens, franchement, regarde, j'étais à l'école, j'arrêtais en 6ème, 5ème, tu vois. Je les revois, ils ont 18 ans, ils ont le permis, ils ont leur voiture, c'est bien, tu vois. Nous, si on avait juste, tu sais, c'est pouvoir s'en sortir. T'avais que ça en tête, ouais, tu savais pas. C'est bien déjà. Tu vois ce que je veux dire, c'est bien. Si non, mais t'avais pas. C'est pour ça, t'as vu vraiment. L'idée d'un boulot près de ce que t'avais envie de faire, d'études. Franchement, je veux pas de trucs, c'est pas vraiment. Mais t'as même plus d'ambition. Tu vois. T'as faim, tu es au jour le jour, ou alors si t'es bien carré, ça dépend après de la mentalité de chacun, tu vois. Mais plus ou moins, c'est ça. Toi, fallait t'en sortir. C'était ça que t'avais. Exactement. C'était l'ambition, le truc que t'avais en tête. Bien sûr. Mais tu regardes, c'est une vérité, ma gueule. Tous les footballeurs, c'est la plupart des footballeurs, ils sont issus de quartier. Ouais. Aujourd'hui. Tu vois, je te donne un exemple. C'est parce que tu vois les jeunes qui avaient la dalle. Tu vois, ils voulaient s'en sortir. Mais t'as un moyen, c'est là, c'est le foot, tout le monde joue au foot, t'es là, rien. Ils usent leur semelle, ma gueule. Regarde où ils sont. Et c'est une preuve, tu vois. Et bah toi, c'est le rap. Exactement. Le rap est arrivé dans ta vie, alors. Quelque part, c'est un modèle de réussite, tu vois. Le rap arrivait un peu tard, en même temps, dans ta vie, toi, exactement, par rapport à. C'était pas non exactement plus. Voilà, vers les 15, 16, 17 piges, c'est arrivé par la suite. Ouais. Et bah maintenant, c'est une carrière, donc, qui est lancée. Ouais. Après, regarde, je vais te donner un exemple. Tu regardes aux States, c'est les gens qui dansent dans la rue, tu vois. Les chants, le rap, tout, ils sont en avance. Mais quand je te dis ça, c'est parce que c'est une culture. C'est tellement pauvre dans certains quartiers que c'est le truc qui le rip. Tu vois, j'ai une nièce à moi, elle est partie aux États-Unis, elle a fait du sport, tout ça là-bas, elle est en compétition avec des Américains, s'est fait mettre à l'amende, mais tu vois, elle m'a dit, ils sont trop forts là-bas. C'est une culture, c'est ça. Ouais, c'est une culture, ouais. C'est-à-dire, tu sais, la pauvreté, la truc, t'as que ça à faire, tu vois. Forcément, ils espèrent tous percer dans ça. Toi, la première fois que tu vas aux États-Unis, c'est quand la crime? Il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans? Ouais. C'était où? À Miami. Miami direct? Ouais, Miami. Et c'est quoi alors? Parce que c'est vrai que on parle beaucoup dans le rap, notamment de Miami, mais il y a une vraie vibe particulière. Ouais, mort. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Ouais, tu l'as ressenti? Ouais, vraiment. Parce que je me souviens qu'à une époque, on parlait tous, le rêve, c'était d'aller à New York, même pour les premiers rappeurs, c'était d'aller à New York, c'était un peu la messe, c'était un peu la mec du hip-hop. Moi, je kiffe le rap, tu sais, l'influence New York et tout, je kiffe. Et là, c'est Miami, vrai qu'on a l'impression que ça s'est déplacé à Miami. Rien à voir. Même les sons, tout, tu sais, sonorité, ça n'a rien à voir. Tu sais, pour moi, tu viens de là-bas. Et c'est la première fois que j'écoutais vraiment du son carré, tu vois. J'étais posé en voiture, on me dit ça c'est le hit qui tourne en ce moment. Ah ouais, j'apprends à aimer. Mais franchement, c'est un truc de fou. Voilà. T'es en studio aussi à Miami? Ouais, j'étais en studio, j'enregistre un titre que j'ai clippé. Voilà, ça s'est bien passé. J'ai compris que fallait prendre de là-bas. Quand je suis revenu, et voilà. Et même ça, d'ailleurs, Core, il m'en parle tout le temps. Il m'a dit, tu sais, quand j'avais guetté de loin, tout ça attaque, j'ai compris. Bah, Core, il est parti. C'est vrai qu'à un moment, lui aussi, a eu besoin de partir aux États-Unis en se disant, voilà, il faut que, que je passe un stade encore, il faut que j'aille m'installer là-bas. Ouais, il a passé 2 stades. Ouais. Bah, on peut l'entendre sur cet album, notamment. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et encore, je pense que c'est une relation à long terme. Donc, on est, je pense, à quelques pourcents de capacité, tu vois. Donc, vous allez voir vraiment. Et puis, même lui, je sais qu'il est capable de beaucoup mieux, tu vois, et qu'il a des cartouches, voilà. Et bah, dans un instant, on fera aussi un petit tour aux États-Unis avec le buzz du net de la semaine. C'est les MTV Awards avec la prestation notamment de Nicki Minaj sur le morceau Anaconda. Nicki Minaj, quelqu'un que t'aimes bien, que t'apprécies musicalement ou qui te touche pas? Forte techniquement. Ouais, forte. Mais je trouve après maintenant, ça se répète un peu. Moi, je suis plus dans les petits jeunes là maintenant. Ouais, on a vu, il y a donc ce fameux Lildur qui est lui, pas de Miami, qui est de Chicago. Chicago. Mais pareil, qui a une vibe assez incroyable. Ouais, de fou. Ils sont une équipe de 10, 15 à rapper. Voilà, tu sens aussi, c'est pareil, c'est la fin. Et là, cette équipe-là, ils sont en train d'émerger petit à petit. Comme quoi, la fin, ça paye, tu vois. Il y a French Montana aussi. Et il y a des images qui arrivent pour ces morceaux, que t'as tourné d'ailleurs. Il y a un clip de Dur qui arrive très, très prochainement. Très prochainement. La Lacrime avec nous. Jeudi, ouais, très, très prochainement. Et on met le morceau, enfin toi tu l'appelles même pas morceau, tu l'appelles intro de l'album, c'est le titre qui s'appelle Corleone. Exactement. C'est extrait de cet album qui sera dans les bacs le 1er septembre, La Crime sur Skyrock. La Crime. Corps. Tu fais des sous, t'as pas qu'à fond. C'est que t'es comme moi. La rue c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non. La vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, l'honneur. Petit frère, sois fier. Regarde-moi, là ouais. Le jour, la veille de ma paye. Je dors pas, l'ivresse, la faim. Des billets, de mon repas. Ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie, hein. Protéger la mif. Tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué. Des frères ont embrassé la mort. Ça y des médis, des vrais soldats. Je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon frère t'a fait la nuit le dos cassé. Combien dans ta vie l'ont fini bandit? Pas 15 ans je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer ou niquer leur vie en tôle, mon gros. Avec la faim, je suis parti de rien, je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu! Toi seul, peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, n'est pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un grand loup de la tête qui a tout niqué pour gratter sa pièce. Frérot 9-4, you know how we do. Ça braque, ça monte la voile. Tout fait pour creuser mon trou. Il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout. Y'a rien dans mon assiette. Donc je prends tout au resto. La faim nous a soudés. Nous a rendu plus forts. On a grandi sans un sou. Adolescents, nous prenions que des larmes. Fais du mal, déçu ma mère. Amour venu d'ailleurs. Du fusil mitrailleur. T'es là pour toucher tous les gars. T'es là pour tout perdre. Je suis qu'un homme parmi tant d'autres. Juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Septembre dans les bacs, l'album de la rentrée, sa mère. C'est le morceau qui ouvre l'album, c'est aussi le nom de l'album Corleone, tu l'as expliqué en début de semaine, c'est vrai, Corleone, c'est les, bah, le clin d'œil, non pas au côté mafieux, mais au village d'Italie, village de paysans à l'origine. Voilà. Corleone, et donc celui-ci, ouais, le titre s'est imposé de lui-même, pareil sur ce morceau. Exactement, bah quand t'écoutes, tu vois, quand t'écoutes le morceau, finalement c'est ça, tu vois. On n'avait rien, tu vois, j'avais rien dans le ventre. J'ai volé, dévoué, tu vois. T'as su très vite comment il allait s'appeler cet album, toi, La Crime? Ouais. Moi, ça fait déjà depuis deux projets avant que je savais que mon album allait s'appeler Corleone. Ah ouais, tu savais. Moi, j'avais déjà cette vision-là. Pour moi, j'étais serein dans mon, tu sais, le schéma. Était que je savais que une, deux ou trois mixtapes, tu vois, l'album, je savais qu'il fallait que ce soit une déflagration, que bah, tout ce qui m'arrive finalement en ce moment, bah. Ça veut dire que là, t'as en tête les deux prochains albums déjà. Les noms des deux prochains albums. Non, non. Vraiment là, ouais, voilà. L'album déjà, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Tu sais, ouais. C'est vraiment l'album. Donc, je me suis arrêté là dans mon truc. Là, je vais commencer à enchaîner, à penser à autre chose. Mais pour l'instant, je suis vraiment. Des tournées, parce que t'as pas fait de tournée encore, là. Oui, pas encore. Là, pour l'instant, je fais les showcases et tout. Là, les gens sont bien, bien concentrés dans les villes. Ils m'attendent partout. Et ouais, il y aura une grosse tournée. Bah, ils t'attendent déjà samedi. Là, ça approche le week-end. Bon, ça, c'est pour les Marocains du côté de Tanger. Voilà, mais ceux qui sont en vacances aussi. Exactement. Je sais qu'il y a du monde qui attend. C'est vrai. Ce sera là. Donc, allez-y, samedi 30 août à Tanger, le 12 septembre à Liège en Belgique, pareil en Belgique le lendemain, le 13 septembre à Mons, le 26 Exactement. Septembre à Lyon, et puis toutes les autres dates qui vont s'ajouter au fur et à mesure, c'est sur les réseaux sociaux avec sur Facebook La Crime vraie page, Twitter La Crime officielle et l'Instagram officiel La Crime. Avant de revenir dans quelques minutes, avant d'écouter du live avec toi, c'est le buzz du net, c'est ce qu'on fait régulièrement chaque jeudi désormais dans l'émission entre 20 et 21. C'est ce qui a le plus cliqué sur ces derniers jours. C'était dimanche dernier à Los Angeles, les MTV Awards, qui sont quand même des grosses cérémonies. Quand tu regardes, c'est un truc qui était aux États-Unis. Ouais, il y a ce côté chaud quand même qui est hallucinant. Voilà, c'est plus c'était le côté chaud. Il y a un show qui est incroyable, et il y a un des shows qui buzz bien, c'est celui de Nicki Minaj, Jessie J aussi qui était présente sur ce live. Écoutez, ça s'est passé dimanche aux MTV Awards. Voilà, c'est le buzz du net, le truc qui a le plus cliqué ces derniers jours avec les MTV Video Music Awards, où on retrouvait donc Ariana Grande aussi hein, sur le morceau, ouais. Avec Jessie J, avec Nicki Minaj à l'instant, grosse cérémonie aux US. Et puis gros clip aussi pour la crème, il y en a déjà que t'as balancé, d'autres qui arrivent. Ouais. Dans les jours qui viennent. Exactement, très très prochainement. C'est quel morceau qu'on verra les le morceau avec Dirk. Avec Dirk, voilà. Ça, c'est les... Prochainement. On fait pas ça, c'est le nom de ce morceau. Ouais. Compte à rebours et les lancer, déjà. Dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on mettra comme titre? On reviendra en arrière, on mettra non, un morceau de... Non, en fait, non, je pense pas. Je veux passer un titre de l'album. Pronto. Pronto? Ouais. Très bien, bah bougez pas. Avec la prod. Dans un instant, Pronto à écouter. Vous aussi, au freestyle de Planète Rap, c'est après ça. Comme toi, la crime a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec la crime. Pendant 15 jours, il sera encore là la semaine prochaine, la crime. Avec, on vivra la sortie de cet album. Ouais. Qui sort dès lundi et qu'on peut précommander dès maintenant avec une magnifique box aussi qu'on va vous filer tout de suite. Pour répondre à la petite question, c'est simple, hein. Message 41759 avec le hashtag la crime sur Skyrock. Question pour repartir avec cette box qui contient l'album, t-shirt en édition limitée et qui sera disponible uniquement à la Fnac. La question du jour, de quelle ville est originaire la crime dans le 9-4? Ouais. Lundi c'est le 9-4 et c'est la ville simple. C'est... Allez-y, 41-759. Vous balancez la réponse 41-759, le skyrock.fm sur Skyrock. Et là on va mettre un titre extrait de l'album Pronto. Ouais, Pronto. Allez, Pronto maintenant. Prends-nous en photo. Gros, bah oui, pose-nous des micros. Gros, les tchapas sont dans l'auto. Gros, la curiosité a vu l'un défaut. Tu parles de qui? Tu parles de moi? Moi je te connais pas. Je reste tranquille, Renoir. Moi je pars d'ici. Mais je suis partout chez moi. Broly, Kalash, musique. Trop de salopes sur la vie de ma mère. La dernière verre, je vais tous me les faire. 762 pour te casser les jambes. Faire courir les gens. Tous les sons, les champs. Qui me teste avec moi? Personne. Je vous baisse, toi, lui et elle. Tout seul. La me. Versace, Rolex, je suis pas Qatar. Le pétrole, Martine, la chérie. Non, je veux faire la guerre, mais t'es pas prêt. Non, crois-moi, non, blague pas. Non, sans bas les couilles de ce que t'as fait. Non, pourquoi te regarder quand je suis refait? La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. Parce qu'on aime ça, on attend ça. On est pour ça, on baise la Pronto. T'es son téléphoné, ton équipe de bouffons, bouffons. Te fera cellophané par lui, par mes frelons, frelons. Ah ouais, t'es un vrai, moi je sais c'est un faux. J'suis dans les faits divers, t'es qu'à la radio. Tramé et mon équipe, pas de CB du liquide. Si j'te fais mon équipe, la cavale un tranquille. Donc j'm'arrache au de l'air. Alger, Corniche et Raton, j'serai jamais extradé, même pour deux tonnes. Les couilles et l'honneur, l'oseille et les tarpés. Les harbés, les harbés. Big up aux vendeurs, aux braqueurs, aux tueurs, les âmes et les ennemis. La tête sur l'eau, au fond de la rue, t'inquiète, c'est nous. 3 millions, ça c'est pour la dalle. Même pour 10 piges, mon frère, on prend tout. On prend tout. Comme tu sais, on a peur de rien. On a peur de rien. Ta vie ou la mienne, en vrai, j'en sais rien. Ratata, ratata, je joue déjà loin. 9-4, Marseille, on dit Nord, et joue plus pas, mais montre-moi. Non, je veux faire la guerre, mais t'es pas prêt. Non, crois-moi, non, blague pas. Non. S'en bat les couilles de ce que t'as fait. Non, pourquoi te regarder quand je suis refait? La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. Parce qu'on aime ça, on attend ça. Mais pour ça, on baise la Pronto. Belek on the track. Ça fait mal ma gueule. Casser les jambes, tourner sur les champs. comme les septembre dans les bacs. C'est du sérieux. On rigole pas. Aïe. Dédicace à l'une. Bâtiment B. À toutes les meufs qui sont au placard en France. Lyon, Saint-Étienne, Fleury. Aïe. Pronto. Cheville la rue. À tous les photos qui sont à Marrakech. Qui casse tout. Aïe. Petit bâche. Ok, Peperos. Fresh, Boudère. Rabus, la gueule. Nagui, ça dit quoi? C'est extrait de l'album Corleone. Le morceau, c'est Pronto à l'instant. Ouais. Celui-ci est né comment, la crime? Ouais, c'est Belek à la prod. Comment t'expliquer ça? Par contre, celle-là, je l'ai quand j'étais au placard, celle-là. Celle-ci, ouais. Ouais. On savait que ça, elle était validée. Il n'y avait pas d'autre choix que de la prendre. Tu vois, mmh. Vraiment, c'est. Et après, on est sorti, on l'a travaillé. Je me rappelle, c'est un matin. Sorti, t'avais bracelet, 8h, 9h, on se voit. Je commence à écrire un peu dans la voiture. On arrive au studio, j'ai déjà le premier couplet. On mange un petit poulet. Deuxième couplet, il est fait. Ouais, c'est bon, on rentre. Tu vois? Et voilà. Ouais. Posé dans la journée. Dessus, ça donne un morceau, tu vois. Voilà. L'idée de laisser aussi un peu justement de la prod à la fin du morceau, de laisser. Ouais, c'est très important, c'est bien. Plus d'une minute, ouais, de prod, c'est. Ouais. Moi, j'ai Belek qui me dit toujours, hey, gros, franchement, il y a un truc, il manque un truc dans le morceau, un troisième couplet. Tu vois? Moi, je dis, c'est bien, t'sais, concentré comme ça, c'est bien. Mais de laisser l'instru, la prod, ça. C'est respirer un monde. Un peu, ouais. Ouais, c'est même, c'est un monde, c'est une vibe, c'est dark, tu vois. Je te laisse partir avec l'instru. Finis ton joint et vas-y. Bah, c'est ça en tout cas, c'est vrai que parfois sur certains albums de rap, c'est ce qu'on peut reprocher parce que t'as 25 titres, 26 titres qui sont au bout d'un moment. Ouais, ça étouffe, compact, t'en as trop quoi. C'est vrai. Et là, c'est vrai que les morceaux, en tout cas, il y a cette respiration où tu peux. Bien sûr. Un moment avoir et Ponto en est l'exemple parce que c'est vrai que t'as un peu plus d'une minute, je crois, d'instru à la fin. Qui est cool. Belek est là, on peut le saluer, hein, il est dans le studio aussi. Ouais, c'est un plaisir là, dans mon crâne. Et c'est vrai que voilà, ça permet de respirer, de revenir un petit peu sur les paroles, sur ce que t'as dit. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi la cohérence de tout cet album. Ouais, je voulais souligner, de toute façon, on est là la semaine prochaine et on sera dans le vif du sujet, tu vois, ce sera après le 1er septembre. Mais Belek a la prod aussi sur le On fait pas ça. Et franchement, ça va faire mal, hein. Il va avoir mal aux fesses, je te dis la vérité. Le On fait pas ça, c'est le morceau avec Lil Durk. Ouais, gros titre. On pourra le découvrir, vous inquiétez pas. Et il arrive le 1er septembre dans les bacs. Ouais. Juste avant de faire un point aussi, on fait un petit retour en arrière cette semaine sur des morceaux de ta carrière. On en remettra un dans quelques minutes que t'as choisi. On va en mettre un finalement, ouais. C'est ça l'époque? Ouais, ça l'époque. Ça, c'est sur le projet justement qui est pas sorti dans les bacs. Mmh. Tu vois, donc, je sais que c'est un morceau à chaque fois que je rencontre, tu sais, vraiment le public qui me suit depuis le début. Ils arrivent à me dire que c'est mon meilleur morceau. Donc après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Moi, je sais que, tu vois, ce qu'il y avait dans mon album, c'est costaud, c'est, tu vois. Mais c'est le public. Et bon, qu'ils aiment bien le morceau, on va se le rejouer. Et bah, ça, l'époque, c'est dans un instant. Juste avant, on est avec Critix de Lyon. Ouais. C'est bien ça, Critix? Yo. Ça va, Critix? En forme à Lyon? Ça va, c'est tranquille, toi? Bien? On t'envoie la crime le 26 septembre, il sera à Lyon, en showcase. Ok, ça marche. À pas louper la crime avec nous. Ouais. Et la sortie de l'album le 1er septembre. Toi, tu es prêt à rapper en, allez, moins d'une trente, Critix? Ouais. Sinon, tu entendras ça. La trappe. C'est le petit challenge cette saison dans Planète Rap. Faut rapper rapide, vif, concis en 1:30. Sinon, il y a la trappe. Ouais, la trappe. Bon, Critix, c'est parti, on t'écoute. Allez, c'est parti. Allez, rap ma gueule. Session freestyle par téléphone, on y va. Yo, ok. Bon. Ok. Et frère, je suis tout seul. C'est vrai, je suis tout seul et puis je me sens pressé. Et depuis peu, j'ai cessé de rester sur mes principes. Il faut que je perde ses vers. Je roule un fer, ses vers. La mère et le père s'énervent depuis que je fais ses vers. Ici, c'est pas Manhattan, on mène des vies monotones. Je vais être le grand Manitou, mais j'ai pas le bon moniteur. Petit, j'ai l'humanité contre les Illuminati. Tu sais, c'est pas ma nature, je veux pas finir menotté. Je reste fidèle à mon éthique, je suis pas dans un monastère. T'inquiète, je suis pas minuté, je te raconte juste mon histoire. Je fais des zigs. Car je suis alcoolisé, j'écoute du Eazy-E, parfois du Gizzy Ouzou. Négro, pas de piston, ça tu le sais. Négro, chaque seconde que je perds me rapproche un peu plus de la mort. La vie est une imposture, donne-moi la corde. Critix à l'instant en freestyle dans Planète Rap. Merci à toi, Critix. Merci les gars, ça fait plaisir. On peut te retrouver sur le net quelque part. Tu veux balancer des infos, vas-y. Alors, moi j'ai un groupe, ça s'appelle Scret 16. Vous allez sur la page Facebook. Donc c'est S-C-R-E-T, plus loin 16. 16, ouais, ok. T'as le bonjour de Yepta. Putain, c'est une photo, elle est passée bonjour, il a dit bien. Il a fait le morceau. Qui est dans le studio avec nous. Voilà. Et ben merci à toi, Critix. Merci les gars. Ciao, passe une bonne soirée. C'est le Planète Rap consacré à la crime. Et le morceau, c'est à l'époque qu'on met maintenant la crime. Ouais, c'est à l'époque, allez on l'envoie. Allez on le balance. Ouais. Ça c'est un petit retour en arrière dans la carrière de la crime. Entre 20 et 21 cette semaine. Ok. Hey. À l'époque, mes frères sont instables de fou. Pète un cap prêt à se taper contre un stade de foot. On se lève dans le gaz, les yeux cernés, l'envie du nécessaire. Mais faut pas se laisser cerner. HLM s'organise, nos sœurs sont magasinières. Et les petits font le double à litre, on sur la gazinière. Nos anciens ne recherchent pas, ils nous cassent un prix. Prennent du C4, décalage, puis vous cassent un Brinks. Ils agissent comme De Niro et Tony. Sinon, parce qu'ils veulent, ils l'obtiendront de ton lit. De la peine ressentie sur ce phénomène. Mais nos mères nous ont dit où le phénomène, imbécile des signes qui ne trompent pas. 17 piges investies à la place du trompe-pas. Oh, réaliste, quand on me parle de la couleuvre, avant de l'avaler, faudrait dès que j'envoie la couleur. Avec moi, pas jouer en vocabulaire. Je serai plus fort si je renonce à la vocabulaire. Dans leur monde, on enseigne la littérature. Moi, dans la rue, je saigne et j'essaye d'éviter les ratures. On n'est pas chelou, c'est l'État qui nous a pris. Qu'on n'est pas chez nous et que nos têtes sont mises à prix. Le sujet du débat, nos milieux hostiles. Parce qu'on veut tous prendre des par un mini hostile. Pas facile, je crois pas que mon issue est là. Peut-être sur un coup de tête, j'irai au Venezuela. Il se peut que c'est demain que je partirai. Qu'un coup de calibre enrayé qui finit par tirer. On parle dignité, le respect futilité. Quand deux frères se fument et s'embarquent dans les futilités. Contrôlable, je sais qu'on ne l'est qu'à demi. On fonce contre l'arbre, on s'est pris pour qu'à 2000. Avoir une femme et des gosses, je repeins ce rêve. Tellement la vie est moche et traite comme un pince-oreille. La folie gros, une puissance qui émane. Plus tu refroidis qui est là, plus du sens qui est mal. La débrouille, j'accède à la vie facile. Mais je ne suis pas un bandit que les filles fascinent. Je suis moi-même, crois pas que je change d'horizon. Pour faire de la pub qui marche pour du chorizo. Ouais mon cœur c'est la pierre, pas du chamallow. C'est depuis que je sais que la femme aime faire du charme à l'autre. Regardez, je prends la côte pour du vantard. Le quartier prend l'alcool pour du fanta. Que le monde soit ma chime, ne comptez pas l'homme. Même si un frère réfléchit, on dit que c'est des ballons. Ce que je dis est vrai, c'est une garantie, mais sûr. Aussi vrai que j'en suis à 48 mesures. Les caisses de l'État ne servent qu'à monter les chromes. C'est le bordel jusqu'en Serbie, Monténégro. Tu veux quoi de nous, on sait, tu fais quoi de louche. C'est les armes, c'est pareil que la coke venant de Guadeloupe. Gros, c'est des faits que la Matrix agace. Pas logique comme un feat avec Patrice Agace. Sans compter qu'au quartier ça s'emballe. Dégoûté, ça braque des banques pour des 500 balles. Le destin, on va pas le refuser, hein les mecs. Nos âmes sont braquées par un fusil à lunettes. La rue ne rapporte pas que des faits rentables. Différents tafs comme des fumées sous la véranda. Y'a la même rage, capitale et Ribéry. Mais c'est pas du foot, dans ma capitale on y périt. Je te l'ai dit, j'en témoigne que l'hiver en tise. Dans ma team que des one, pas de numéro 10. J'écris, l'instru s'écarte et je m'arrête pas. Aussi vrai que je viens d'éclater, m'arrête pas. Appelle les sons, je prépare une attaque atomique. Et t'as plus qu'à tenir car j'ai la technique à Lucatoni. Il me faut la caisse d'Henry, qu'on m'assassine. Je ne l'ai pas, c'est un fait, faut qu'on m'assassine. Que j'arrive à Saint-Tropez avec Rihanna. Même 42 s'est fait tromper par Adriana. Je rentre, le braque à la tempe, ta copine est saoule. Tu vas me donner le contenu du coffre, la combinaison. Ok, et puis manque de peau, je suis assermenté. Contre les mandats de dépôt ainsi que les assermentés. C'est la nouvelle gros, pas la testarossa. La crime, micro intestarossa. La politique roule à fond à Mandela. Les seuls bons sont Boum Etienne et puis Mandela. La diversion, je la fais à Copperfield. Les keufs m'attrapent à ses portes, mais qu'on perfile. Je n'ai qu'une fille, si je tire, je blesse pas. Y'a des villes en Espagne, la Belgique ne connaissent pas. Hey, dès que j'ai le plein de pif, je me retire, voilà. Ce sont les mêmes paroles de Paris jusqu'à Tijuana. Là, je suis seul sur navire et j'ai pas de compte à rendre. Tu déballes sur ma vie et tu veux qu'on t'arrange. Hein, gros, je pêche même pas. Je repense à Tenerife et leur pêche mêle pas. Là, je suis en fit et le shit, il est bien chez Cas. Si l'avocat chez Cannes, on prend deux billets vers Boca Chica. J'ai raté le coche, partir pour les Caïmans. Si je te raconte mon vécu, tu diras dans tous les Caïmans. Un jeu de mots avec toutes sortes de destinations. Car m'évader, c'est le sort de ma fascination. Gros morceau. Aïe. Retour retour en arrière avec ce morceau. Vraiment, on rappelle plein de souvenirs, celui-ci, de l'écouter. C'est à l'époque. Énervé. La crime avec nous entre 20 et 21. L'album, c'est Corleone. Par contre, ça, c'est du tout neuf. Ça arrive lundi dans 4 jours maintenant. Ouais. En précommande, l'album et puis la box aussi qui arrive dans les Fnac lundi avec l'album et le t-shirt en édition limitée. Ouais, si vous voulez la box, faut vite aller se le pécho. Hein, parce que à mon avis, ça va partir très vite. Exactement. Est-ce que tu es prêt pour un peu de live maintenant, la crime? Ouais, je suis prêt. Prêt? Ouais, on donne du live. Des extraits de Corleone? Ouais. Allez, c'est parti, on commence par quoi? Ce que tu veux. Il y a un Pocket Coffee. Ouais, Pocket Coffee. Pocket Coffee? Ouais. Allez, c'est parti. Maintenant en live dans Planète Rap, Pocket Coffee. Ok. Corleone, 1er septembre dans les bacs. Faites péter les enceintes par les fenêtres, dans la voiture ou chez Watt. Je rêve de tranquillité, de millions de dollars. Je sors du placard, demain matin je vais me faire sucer dans un sauna. Je suis un homme, il faut qu'on se le dise, je pourrais te faire des trucs de malade. Peut-être que t'as vendu quelques disques parce que papa n'était pas là. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie? Je fais partie des anciens routards. 60 jours avant que n'arrive l'euro, j'avais déjà 10 parts en moutarde. Jamais connu la puberté. 11 ans, je tirais de gros staff. 17 ans, raté le million. Le juge m'a privé de liberté. Déjà, c'est vrai dès la portée. On fait l'amour avec la muerte. Je vais rentrer dans le cul de la France. Ça n'est qu'une histoire de fierté. Ce que j'ai fait, je le regrette pour qu'une seule raison. Parce que ma mère a pleuré. Je m'en bats les couilles, c'est pas ma faute. Tu fais ton taf de banquier rappeuré. Tu rêvais d'avoir un bateau. Tu n'as même pas eu la voilette. Ma mère m'a dit, t'as pris des millions, que t'as chié dans les toilettes. Des mecs comme moi dans le rap, y'en a peu. Mais dans les cités, y'en a des milliers. Si tu fais plus de sous que les Schmitt, ils voudront t'humilier. J'ai connu Marbella, la ratum, la favela. Je leur prenais des kilos de pire quand tu n'étais jamais là. En vrai, tu connais la devise. La crime dans ta voiture, compteur bloqué, minimum à 2-10. Je suis bourré, je pense à mes frères. J'ai laissé dans la promenade. Ils ont trop la dalle et peut-être beaucoup de gens à tuer. Beaucoup de gens à tuer. On veut pas être adulé. Nous ne sommes pas dans un film. T'es un homme à tuer. Cinquantaine de loyers. C'est le tarot d'un soldat pour foudroyer. J'ai l'alibi mais voilà nettoyé. Je parlais d'il est tranquille. Sur la tête de mon fiston. Quand je vais chez le vidon. C'est pour lui pas pour des putes. Je lui prendrai même du vison. Je pense à lui j'ai des frissons. Lui dans mes bras. Un brolique sur moi. Quelle vie nous subissons. Regarde ce système. À quoi il t'amène? Remplis ce sac de l'OV. Ou bien je te nique ta mère. Vécu dans les égouts. J'ai ma suite au palace. Ta tête me dit quelque chose. Y'aurait pas ta mère au Dallas. Des cartouches de Famas. Y'en a jusqu'à Damas. Mais là je suis dans les îles. Sur un ananas. J'ai connu Marbella. La Adam, la favela. Je leur prenais des kilos de pire. Quand tu n'étais jamais là. En vrai tu connais la devise. La crime dans ta voiture, compteur bloqué, minimum à 2-10. Ok, 1er septembre dans les bacs, Corleone. Dédicace, Win, bâtiment B, par la fenêtre, Fater, Bouder, Niza, Nagui, Brabus, Fraîche. On est là, ma gueule. Faut tout baiser. L'album, le 1er septembre. Tu taffes, tu braques, tu vends. En cellule, la crime, gros. Greg, il a chaud. La crime avec nous entre 20 et 21 et ce morceau qui s'appelle Pocket Coffee. Pocket Coffee. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi le surnom La crime? Il vient d'où d'ailleurs celui-ci, La crime? Eh ben, c'est un personnage dans Corleone en fait. Mmh. C'est qui est une série Capo Décapi, tu vois. Et c'est un personnage phare, tu vois. Je le kiffe dedans. En fait, c'est pas l'acteur principal, mais il a un truc en lui, je kiffe de fou. Et c'est ça, ça vient de là où le pseudo tu l'as pris là. Il s'appelle Pocket Coffee. Là-dedans, ouais. C'est pas un surnom d'un pote qui un jour t'a appelé La crime? Non, il y a pas une histoire particulière. Non. Bon après, tu vois, mais vraiment, j'ai fait un morceau justement précédemment qui s'appelle Luca Brasi. Mmh. Et voilà, t'as vu, je voulais un peu remettre à l'ordre du jour ce truc-là que j'ai pour tu vois des personnages. Et Pocket Coffee, c'était vraiment dans ce que j'écoute et dans ce que je regarde en ce moment. Et bah c'est à découvrir sur l'album qui sort donc le 1er septembre. 1er septembre. Corleone à pas louper. C'est moins 4. Dans un instant, on fera tourner la roulette 41759 pour s'inscrire. Et là, un deuxième live offert par la crime maintenant. tout le monde veut délover. Ouais, ça, c'est un des gros titres qui a tourné cet été, hein, celui-ci. Ouais, c'est bien. C'est bien. Allez, on attaque maintenant. Ok. Tout le monde veut délover. La crime. Corps. Hey. J'ai toujours voulu voler de mes propres ailes, mademoiselle. Attention, si je t'aime, tu pourrais toucher le ciel. Envie de briser les chaînes, envie de signer d'échecs. Je sais qu'on va mourir, mais avant on part aux Seychelles. Ouais, une plage, un verre, coucher de soleil, mon frère. Ouais, ouais, j'insinue, car je suis dans ma cellule. Et si tellement c'est nul que je me renferme, souvent je pense à elle. Besoin de l'apaiser, besoin de la serrer, d'ouvrir les yeux, de voir la vie, ou de les rafaler par la vie. Crier, fumer, buvez, bien sûr, rancunier. Y'a tout mon public qui chante. La crime va tout vous rafler. La crime va tous vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Ton sous pour nous évader. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Pour pouvoir s'évader. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut des sous, ma gueule. Tout le monde veut délover. Pour pouvoir s'évader. Je rêve d'avancer ou de quitter la terre. Si j'attrape 10 millions, ça fera sûrement l'affaire. Je peux tout jouer, mais je pense à mon fils. Sinon, une nouvelle chapa, j'ai pas besoin de la notice. Le rap des bêtes de Tommy. J'ai les mêmes lunettes que Tony. Tout prendre, vous le promets. La crime se propage, soutenu par trop de vie humaine. Fumez, buvez, bien sûr, rancunier. Y'a tout mon public qui chante. La crime va tout vous rafler. La crime va tous vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Ton son pour nous évader. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Pour pouvoir s'évader. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Pour pouvoir s'évader. Ma belle, là j'ai pris 200 billets de sang. Oui, laisse-les parler dans le vent. Qui ouest le soleil couchant. Je sais c'est touchant tes cheveux dans le vent. Tout le monde veut délover, ouais. Mais le cœur ne sont pas mauvais, ouais. Ma villa au bord de la mer. Je sors des emprises, je veux m'évader. Fumer, buvez, bien sûr, rancunier. Y'a tout mon public qui chante. La crime va tout vous rafler. La crime va tout vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Ton son pour nous évader. Tout le monde veut délover. Tout le monde veut délover. Ayerta, tout le monde veut délover, ma gueule. Pour pouvoir s'évader. Ah ma gueule, tout le monde veut délover. Ok, petit bâche, c'est comment à Cannes. Pour pouvoir s'évader. Ok. Aïe, Peperos Nemeros. Tout le monde veut délover à l'instant. Tout le monde veut délover. Ça, c'est un des gros morceaux qui a tourné tout l'été, celui-ci. Ouais, je mets, tu vois, il fallait, enfin, tu vois, c'est, je veux dire que Sky, il voulait jouer le jeu à fond, tu vois, pour rentrer le morceau, tu vois, Skyrock, il voulait, c'était là. Mais c'était l'été, fallait le sortir, c'était bien, tu vois. J'aurais été moi tout seul, je pense pas que dans ma stratégie, je l'aurais sorti. T'aurais été sorti, ouais, celui-ci, forcément. Finalement, je suis content du résultat. Bah, il a bien tourné, en plus, c'est devenu l'expression. Il y a plein de gens, moi, j'ai vu plein de vidéos de gens qui reprennent Tout le monde veut délover. C'est chambé. Je sais pas si t'as vu aussi, pas. Ouais, j'ai vu un petit peu. T'as vu plein de trucs. J'ai vu un petit peu. La crime avec nous, entre 20 et 21 avant de se quitter pour cette soirée, te retrouver demain entre 20h et 21h dans Planète Rap. On finit avec le morceau avec lequel on a ouvert l'émission. Ouais. Bracelet. Allez, c'est parti sur Skyrock. Ok. Et c'est extrait de l'album qui sort lundi 1er septembre. À pas louper lundi, ça arrive là. Ouais. Alors Nizar, c'est comment? T'es une belle petite bombe atomique. Un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique. Sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi. Avec Félix et So faire sauter le bus. Dehors ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami. Sur un jet ski sans débardeur. Non t'aimes c'est si t'aimes je vais. La com est parfaite pour décevoir ses frères. Tu me donnes un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour les fils de pute, elle est donneur de go. Je pense à mes rangs, toujours en cage. C'est beaucoup de bâtiment B. Clique ma page, on est clé barrage. Ok, on va devenir l'otage. Besoin. besoin de tuer ma rage. Va bon massage au bord de la plage. Ouais ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. On s'est fait tout, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma vessie. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Quand t'as des vrais tueurs, quand même tu sais. Demandeur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie gros. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Toto à 23h je bois du champagne. 1er septembre, pas d'esprit. Alors qu'est-ce que t'as pas mon frère, je suis toujours le même. Qualité ça vraiment dit quoi il parle. C'est calme pour les ennemis ma gueuse. Bécane, photo vamos. Je te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que de billets violés. Seul fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi ces talons, je vais la démonter. Je suis parti pour tout baiser. Les chartes, les chiffres jusqu'à tes WC. Dans la rue sont mes couilles que j'ai tout misé. Comme Kala, pas besoin de savoir viser. Tout le temps je suis stepi. De merci toutes tes couleurs sont mes yébis. De toutes tes couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi, nique ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter, y'a mon album qui va sortir. Mon dame écho, cellulaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on ne plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai voilà. Pas, que je changerai pas. Des détenus de France qui écoutent, les meufs, les mecs, je reçois des messages. Saint-Etienne, merci d'être branché. Chez les meufs, gros big up, courage. Luin, McGun, Confleury, tous les bâtiments, la santé, Boada, Fresnes, Nanterre, les Baumettes, aïe, Luin, McGun, Tarascon, Fatih, on dit quoi? Le morceau s'appelle Bracelet, vous le retrouvez dans les bacs dès lundi, ouais. L'album Corleone de Lacrime sur Skyrock entre 20h et 21h. Merci Fred. Et ben merci à toi pour cette quatrième soirée dans l'émission. Merci. Demain, dernière de la semaine, mais tu reviendras encore dès lundi. Exactement. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, exactement. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est aussi la sortie le 1er septembre, donc lundi. Le 1er septembre, soyez là. De Corleone, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Allez, vas-y. Skyrock t'offre ta compil Planète Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. On est lyonnais ce soir, c'est Océane de Lyon. Ça va bien Océane? Ça. Salut Océane. En forme, je te présente Lacrime avec nous toute la semaine dans Planète Rap. C'est un peu beau de le présenter, c'est Lacrime, c'est le meilleur. Ah, merci beaucoup Océane. Tu fais grave plaisir, merci beaucoup. Ça fait chouette. Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone aussi. Merci Océane. Tu as bien retenu quand sort l'album beaucoup. Océane alors de Lacrime. Le 1er septembre, ouais. Bien. Ouais. Tu veux mettre sa parole en doute, Fred? Ouais, je teste. Jamais, merci Océane. Elle est prête à faire tourner la roulette, c'est parti. Allez, que la chance soit. Il y a beaucoup de nanas d'ailleurs qui te suivent, hein, sur qui sont présents dans les concerts, showcase. Bien sûr, partout. Qui envoient des messages pour toi, la crème. Féminin, très présent. Ouais. Et Océane, pour toi, ça va s'arrêter sur la case C. Et bah c'est la Total Son, album Planète Rap 2014 volume 2 et l'album de la crème. Voilà, aussi qu'on t'envoie. C'est nickel. Album de la crème Corleone qu'on t'envoie. Gros bisous Océane. C'est bon. Et attends, faut que tu continues comme ça, t'es le meilleur. Merci t'es beaucoup. Nickel. Ça fait plaisir, merci. Et Océane, je te rappelle qu'il est près de chez toi à Lyon le 26 septembre, la crème. Ah bah voilà. Trop fort. Pour Red Room. Océane, elle connaît toutes les gars. Océane, merci beaucoup. Parfait. Merci à toi. Allez, salut, ciao. Je peux lâcher une petite dédicace. Vas-y, on t'écoute. Dédicace à Mamaï, à Anissa, à Camille, à Tatiana, à tous ceux qui m'ont reconnu. Et bah ça roule, passe une belle soirée Océane, bisous. Merci à vous. Ciao, merci la crème pour cette soirée aussi dans Planète merci Rap. Merci à toi Fred, hein, merci beaucoup. Demain juste avant 20h le retour. Ouais, t'es un bon Fred, t'es un bon. Bah j'essaye. Ouais, t'es un j'essaye bon. De m'améliorer d'année en année. Ouais, merci. Et merci à tous les auditeurs de Sky. Et bah merci à toi en tout cas pour ce bel album, parce que c'est vraiment un bel album, ça sort lundi, Corleone. Et là on va retrouver Difool, toute l'équipe ils sont de retour en oui, direct. Oui, c'est oui, la radio oui. De l'été qui continue maintenant. Exactement. Merci Fredo, salut, merci la crème. De rien, de rien. Demain soir, le rendez-vous, le dernier de la semaine, mais bon, vous avez de la chance parce qu'il y a une semaine bonus la semaine prochaine. Yes. Et ouais. On sera là donc dès demain, 20h. Merci la crème. Ouais. Merci Fodu. On n'a pas de nouvelles du Ice Bucket Challenge de la crime. Ouais, pas pour l'instant, mais on travaille au corps, Très bien. Eh bien, écoute, merci Fred. Et puis on a encore une semaine, donc qui sait. Demain soir. Oui, c'est vrai. Et puis demain soir et aussi. Et puis demain soir. Bon, ça va demain. Merci Fredo. La Radio Libre, c'est parti ce soir dans la Radio Libre. Ah. Tu le sais, on l'a annoncé hier soir. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Il y a Masca qui débarque en exclu, avec une grosse, grosse exclu. Masca de la section d'assaut, avec son album aussi qui va arriver. Ouais. Qui arrive prochainement. Et donc, c'est le nouveau titre. Nouvelle extrait de l'album. Après, Prix pour moi. Alors, il n'est pas tout seul sur ce morceau, ce qui nous fera donc une de triple visite ce soir. C'est ça. On aura Maska, mais on aura aussi Black M. Et on aura également le docteur. Beriz. Oui, exactement. Il sera là. De l'Institut. Il sera là. L'Institut. De l'Institut qui est sur le morceau qu'on fera écouter ce soir en exclu dans la radio libre. Et qui est sur la belle Watibé. En plus. Et en voilà. Plus. Donc profitez-en. C'est bien, Fred, il connaît ça tout. Ça reste en famille. Bon, j'essaie, il connaît j'essaie, tout. J'essaie, c'est normal en même temps. Donc ce soir, à pas louper, entre 21h et minuit, c'est-à-dire dans. Vous avez passé une bonne soirée. Dans quelques instants, on va passer une bonne soirée. Il y a le problème du mois aussi, du jeudi soir, qu'on attend avec impatience. Et puis vous tous, et vous tous en direct. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos messages dès maintenant. Allez-y, vous faites péter tous les réseaux sociaux. Vous nous laissez vos messages sur le 41759 et sur les applis Skyrock. Faites péter tout de suite et puis nous on arrive. Bah dans un instant. Eh bah dans un instant, direct sur Skyrock, juste après Khadija Hamida va se mettre. Ah allez. Bah parfait. Allez, il faut en profiter encore, c'est encore un peu les vacances. C'est ce que j'allais dire, c'est le morceau des vacances. Déconnectez tout de suite sur Sky. Ciao Fredo. Ciao. Ciao, à demain. Ciao. À demain.